Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Quelqu'un qu'on entend tout partout à la pilule du lendemain, c'est Sophie Laforêt. Bon, un grand matin. Bon matin, Sophie. Bon matin, messieurs. J'ai les doigts croches sur la console. Ce mercredi, chronique stéréotonine en compagnie de Sophie Laforêt. Sophie, tu viens nous parler du lancement, quand même assez récent, du film qui s'intitule, in English, Where the Wild Things Are. Oui, tu le prononces très bien, Marc. Hey, bravo, Marc. Hein, écoute, on s'attendait à pire que ça ce matin. J'ai déjà parlé anglais dans une ancienne vie qui n'est pas si lointaine que ça. Donc, Sophie, qu'est-ce qui est que ce film Where the Wild Things Are? Donc, en français, on peut y aller tout de suite avec le titre en français, oui. Max et les Maxi Monstres. Hey, méchante traduction. Méchante traduction. C'est un peu, peu moins punché, mais ça se dit mieux, en tout cas, ça, c'est sûr. Max et les Maxi Monstres. Max et les Maxi Monstres. Est-ce que c'est un film pour enfants? Non. Ah. Là, ça va être un point important que je veux mentionner. C'est que c'est pas un film pour enfants, on a l'impression, parce que si on regarde un peu les affiches et tout ça, on voit des immenses marionnettes avec un enfant qui a une espèce de couronne de roi. C'est pas un film pour enfants, c'est un film qui parle de l'enfance. Donc, bonne nuance déjà là. Okay. Puis, le film est en salle au Québec depuis le 16 octobre. Ce que je vous propose aujourd'hui, avant de faire la critique du film, je fais un 2-pour-1. Donc, il y a une trame sonore aussi qui est venue avec ce film-là, qui a été presque dans son intégralité composée et produite par Karen O, qui est la chanteuse de la formation Les Yeyeyes, qui est une formation que j'aime bien. Donc, on va écouter tout d'abord une première pièce. La pièce s'intitule All Is Love. Donc, Karen O and the Kids, de la trame sonore du film Where the Wild Things Are. On écoute immédiatement ce que ça donne. OK. Bon, c'est correct, la petite musique. Hey. C'est doux, hein? Ah, ouais, c'est doux. Mais vous allez voir, là, ça punch un peu plus tantôt. Ah ouais? Where you Hey, c'est bon. C'est joyeux. Ben oui. C'est super cute. Ouais, puis c'est ça. Ça va avec le film qui est, comme on le mentionnait avant la pièce, qui n'est pas un film pour enfants, donc c'est pas un film d'animation. C'est vraiment des acteurs avec des vrais lieux. C'est seulement qu'à un moment donné, arrivent des personnages fantastiques un peu... Bon, c'est pas le même genre. Là, je vais pas comparer nécessairement à Tim Burton, mais comme je te mentionnais, Sylvain, un peu comme ceux qui ont vu Big Fish de Tim Burton ou Charlie la chocolaterie, c'est un vrai film, mais dans un univers fantastique. Ah, OK. Ah, c'est bien. Puis, donc, c'est un film qui est réalisé par Spike Jonze. Spike Jonze qui a fait le film Adaptation ou Adaptation, ou peut-être pour ceux qui connaissent Dans la peau de John Malkovich, qui est un film assez, assez spécial. Assez tordu, effectivement. Assez tordu. Donc, c'est du même réalisateur, mais là, vraiment dans une autre ambiance. Un film fantastique, l'histoire, là, ou un peu le synopsis du film. C'est tout d'abord une adaptation cinématographique d'un livre pour enfants qui a été fait dans les années 60 aux États-Unis. Donc, un livre d'illustration qui a été écrit et dessiné par Maurice Sendak. Et c'est un classique de la littérature jeunesse aux États-Unis. Donc, c'est vraiment inspiré de ce film-là. C'est sûr que c'est pas comparable au film parce que... comparable au livre. Parce que le livre est vraiment... c'est vraiment que de simples phrases là, avec des illustrations. Donc, le film est beaucoup plus étoffé. L'histoire, en gros, c'est un garçon de 9 ans qui est dans son imaginaire et qui a besoin de beaucoup d'attention. Puis finalement, il y a une dispute avec sa mère. Puis il quitte la maison familiale à la course et fait une espèce de fugue. Ça arrive jamais, ça. Non, hein, ça arrive jamais. Non. Mais la fugue, en fait, c'est un peu comme une façon d'imager le fait que l'enfant s'en va dans son monde imaginaire. Et donc ça, c'est pas une vraie fugue. Là. En plus, si on se réfère au livre, c'est pas une vraie fugue, c'est qu'il se réfugie dans son monde imaginaire. Donc il s'en va dans un boisé, trouve un bateau, une barque, et s'en va vers une île fantastique. Et là, le film commence où il arrive justement sur l'île où il va découvrir sept créatures assez étranges qui ont chacune leur personnalité. Des créatures assez épeurantes, là, sont pas belles tout de suite, comme on pourrait dire. De là, le fait qu'on ne recommande pas le visionnement pour les enfants en bas âge. J'ai essayé de nuancer ça. Ouais. C'est que ce que je disais, c'est comme un film déconseillé aux jeunes enfants fragiles. Donc, il y a des enfants que ça affectera peut-être pas. C'est juste que, tu sais, il y a des scènes où, justement, là, l'enfant de 9 ans arrive, puis là, on n'est pas trop sûr si les monstres, finalement, sont gentils ou pas gentils. OK, Mais je te laisse poursuivre. Donc, là, il est rendu dans l'île avec les créatures fantastiques. Puis, il se passe quoi? Il va apprendre à connaître ces monstres-là. Il va être... va se faire donner le titre de roi des maxi-monstres. Rien de moins, tout de suite en arrivant comme ça. Parce que la version originale française, je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est Max et les Maximons. Oui, je l'ai mentionné. Oui, ça a permis à Marc là, de comprendre. On a une petite chronique tout à l'heure avec Sophie Ménard là, sur la mémoire. Ah! Écoutera ça. OK, parfait, je vais écouter ça. Je taquine. Puis, donc, sinon, je ne veux pas en dire plus sur le film pour laisser la chance aux gens de le découvrir par eux-mêmes, mais j'ai lu une critique dans le magazine, Time Magazine. Time Magazine qui disait que Freud aurait adoré ce film. Donc, ben, Freud, donc, qui est un grand homme de la psychologie, en fait, le père de la psychologie comme on la connaît aujourd'hui. Et la critique disait, dans le fond, que les monstres sont utilisés un peu pour montrer sept différentes facettes de cet enfant-là, donc de l'enfance. Okay. Et finalement, ce qu'on apprend... Tout ça est un peu analysé là, de façon psychologique. C'est que, dans le fond, on ne peut jamais être maître complètement de tout et encore moins de son imaginaire quand on est enfant. Ah ouais? Alors, voilà la petite métaphore psychologique. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'aller si loin que ça quand on écoute le film. Non. OK. Alors, voilà. Sinon, le film... Ça finit comment? Ah, non. Là, Marc, là, j'ai failli en plus te répondre. Monsieur Périard, à l'ordre. Alors voilà un film que je conseille à Trois-Rivières en version française et si vous voulez le voir en anglais, il va falloir aller du côté de Montréal parce que même à Québec, il n'est pas en anglais. OK. Disponible dans toutes les bonnes salles de cinéma de la grande région de Trois-Rivières. Oui. Et en conclusion, donc, pour revenir à la trame sonore, on va écouter une deuxième pièce. Puis la trame sonore, un 4 sur 5, même si ce n'était pas de ça qu'on parlait aujourd'hui. C'est une bonne trame sonore. Hier, on avait un 4.5 sur 5. Dans notre rétrospective des meilleurs albums de l'année. T'es donc bien rendu généreux. Ah oui, je suis fine. Des bonnes notes, 4.5. Rien de moins. Bon tort. Donc, la pièce qu'on va entendre, c'est... Bon tort. La pièce... Oui. Non, c'est pas bon tort qu'on va entendre. La pièce, c'est Heads Up, toujours avec Karen O and the Kids de la trame sonore du film Where the Wild Things Are.